J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un qui m'aime. T'as besoin de tendresse, t'as tellement de problèmes. Supporte ta jeunesse et viens boire un café crème, t'es ok. Chanter.